بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الراسيزم، العنصرية، العصبية، الاكزينوفوبي، اسبري دو ناسيوناليست، ou de nationalisme, esprit tribal, esprit de quartier, ou toute rivalité basée sur les différences humaines, ethniques, locales, ou à l'Azalika. Abu Taymiya, Khalil al-Martiniki, hafizahullahu ta'ala. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Man yahdi lillahu falamudhilla lah, wa man yullil falahadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم et ne prenez pas les versets d'Allah en raillerie, et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous, comme ce qu'il a descendu comme livre et comme sagesse, afin de vous exhorter, et craignez Allah, et sachez que Allah est savant de toutes choses. Yaqulu al-imam al-Shawkani fi tafsir adil aya, fi tafsirihi fath al-qadir, rahimahullah ta'ala. Wazkuru ni'amatullahi alaykum, ay al-ni'amata allati sirtum fiha bil-islam wa shara'ihi, بعد أن كنتم في جاهلية جهلة والظلمات بعضها فوق بعض والكتاب هو القرآن والحكمة قال المفسرون هي السنة التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيذكم به أي يخوفكم بما أنزل عليكم. الإمام الشوكاني en tafsir de ce verset, il dit rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait que vous soyez devenus des gens de l'islam, des gens de sa législation, alors que vous étiez dans la jahiliya, dans l'ignorance totale, et dans les ténèbres, les unes sur les autres. Et le livre ici, c'est le Coran. La hikma, les gens de tafsir ont dit que c'est la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Naam. Et dans sa parole, il vous exhorte, c'est-à-dire qu'il vous fait peur, avec ce qui a descendu sur vous. Wa Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a bien décrit en résumé qu'est-ce que al-jahiliya. Kama akhraj al-imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, fi musnadihi, hina zahaba al-sahaba ila al-habasha lil-hijrat al-oula. Qala Ja'far li al-Najashi, ayyuha al-malik, kunna qawman al-jahiliyatin, na'budu al-asnam, wa nakul al-mayta, wa na'ti al-fawahish, wa naqta al-arham, wa nusi al-jawar, aw al-jawar. يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نصبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعنا إلى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وهذا الحديث حسن. Donc, Ja'far ibn Abi Talib رضي الله عنه lorsqu'il s'est rendu auprès du Najashi lors de la première hijra des Sahaba. Lorsque le sujet l'interrogea au sujet de leur provenance, il dit « Ô toi le roi, nous étions un peuple des gens de la jahiliya, de l'époque pré-islamique de l'ignorance. Nous adorions les idoles. Nous mangions de la chair morte. Et nous commettions des turpitudes. Et nous rompions les liens de parenté. Nous étions de mauvais voisins. Et le fort entre nous mangeait le faible. Jusqu'à ce que Allah nous envoie un messager dont nous connaissions la lignée et la véracité et la confiance apportée en lui et sa vertu. Il nous a appelés à adorer Allah seul, à l'unifier et à l'adorer et de délaisser ce que nous adorions auparavant, nous ainsi que nos pères, en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, comme les pierres, comme les idoles et les zalika. Donc là, dans ce hadith qui a été jugé comme Hassan, Ja'far nous explique qu'est-ce qu'est Al-Jahiliya. Al-Jahiliya. Quand l'imam Al-Uthaymin رحمه الله تعالى في قول المفيد على شرح كتاب التوحيد قال المراد بالجاهلية ما قبل البعثة لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم فجهلهم شامل الجهل في حقوق الله وحقوق عباده. Il dit Cheikh Al-Uthaymin que le sens voulu par al-jahiliya, c'est ce qui l'air qui était avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car les gens étaient dans une ignorance totale, immense. C'est-à-dire une ignorance qui englobe les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs. Et d'autres ulama ont dit que la jahiliya, c'est tout ce qu'il y avait également entre l'envoi de deux messagers. Donc on vivait les peuples avant l'envoi de chaque messager. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé pour nous sortir de cette jahiliya, nous apprendre comment nous comporter selon shara'ilillah, selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je n'étais envoyé que pour compléter les nobles caractères, les pieux caractères, le bon comportement. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans le sens où Allah dit que certes, vous aviez dans le message d'Allah un bon exemple, un bon modèle pour qui espérer rencontrer Allah le jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qad hadharana min hadhihi al-jahiliya, l'a mis en garde contre cette jahiliya, tant sur le plan croyance que comportement. Yani min hayth al-aqida wa al-akhlaq. Faqal, كما أخرج ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضع تحت قدميه. Qui l'a dit? Comme l'a rapporté ابن ماجه selon Jabir, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que toute chose venant de la jahiliya est sous mon pied. C'est-à-dire je le piétine. Kadal ma'ana. Et malgré toute cette éducation et cette fatigue qu'il a rencontrée pour nous apprendre cela pendant toute sa période de prophétie à laquelle il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a quand même informé que sa communauté n'en laissera pas certains aspects, c'est-à-dire certains aspects de la jahiliya. كما أخرج مسلم عن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء من نجوم والنياحة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bien dit, chaque chose, qu'il y a quatre choses dans ma communauté faisant partie de la jahiliya qui ne délaisseront pas, c'est-à-dire que les musulmans ne délaisseront pas. La première chose, le fait de se vanter par la lignée. Après le fait de diffamer pour la descendance également. Également, le fait de demander la pluie, la descente de pluie, par les étoiles. Et deuxième, et quatrième plutôt, niyaha, c'est le fait de crier, de pleurer, de se déchirer les vêtements lors d'un décès, d'un proche. Donc ces quatre-là seront toujours présents dans la umma islamiyya. Kama akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala kadhalik an-nabi Hurayra, kama rawahu al-imam Muslim, qala صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النصب والنياحة على الميت. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم deux choses, c'est-à-dire présent au milieu des gens, sont de la mécréance. Mais c'est-à-dire là, c'est de le kufr al-asghar, c'est de la mécréance mineure, qui est le fait de diffamer les lignées, les descendances, les origines, et al-niyaha sur le mort, le fait de crier et de pleurer sur le mort. Le shahid de ce kalam, c'est al-jahiliya, des choses demeureront dans cette umma. Et la jahiliya, c'est un sujet qui est très large. Mais là, j'aimerais m'arrêter sur certains points qui sont liés aux hadiths précédents, pour ce rappel, qui aura pour sujet le racisme. Vous voyez, qui aura pour sujet le racisme, al-ansuriya, al-asabiya, ce racisme qui lui-même contient des sous-branches, comme par exemple, la xénophobie, l'esprit de nationaliste, ou de nationalisme, l'esprit tribal, l'esprit de quartier, ou toute rivalité basée sur les différences humaines, ethniques, locales, ou al-zalika. Mais pas sur les différences religieuses, ça non, car cela est une chose faisant partie de la religion, de nous désavouer des gens du shirk, et de nous désavouer des gens de la bid'a, de l'innovation, et de nous éloigner des faux sacs, des pervers. Adache Ara. Donc là, dans Al-Qamus, Lisan al-Arab, عرف العصبية أنها مأخوذة من التعصب، يعني المعنى أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته وتألب معهم على ما يناويهم ظالمين كانوا أو مظلومين، وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا. Donc العصبية qui a un sens proche de l'ansoria, qui pourrait être pris du sens racisme ou fanatisme ou غير ذلك. Dans les sunnah al-arab, ils disent qu'en fait c'est que l'homme appelle à secourir ses proches, c'est-à-dire les gens à qui il s'apparente, avec qui il est, de se rallier à eux et de le secourir dans ceux qui s'en prendraient à eux, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort. Fiad al-ma'ana. Et en langue française, ce racisme, lui, a été défini comme étant une idéologie qui considère des catégories de gens, ethniquement parlant, comme étant supérieures à d'autres. Et la petite sœur du racisme, qui est la xénophobie, qui elle représente plutôt un esprit d'hostilité et de discrimination envers l'étranger, toute personne qui est étrangère. Et le terme étranger ici, il est large, dites donne. Ça peut être lié au pays, ça peut être à la région, ça peut être à la ville, voire même au quartier, dans un même quartier, dans une même ville. Yani, et même si ces individus sont d'une même race, une même ethnie, ils sont d'un lieu différent, khalas, khusuma bainahum. Et bien évidemment, il en découle de ces phénomènes un résultat inverse, qui est une alliance basée sur ces mêmes faits. C'est-à-dire, une alliance et un amour basé sur la race, sur la couleur, sur l'origine, le pays, la ville, ou relezalik. Et cet esprit de rivalité raciale ou locale sont des attitudes purement de la jahiliya, en opposition totale au précepte des valeurs de l'islam. Akaza, notre religion dinuna yad'una ila al-ukhuwa al-haqiqiyya. Elle nous appelle à la vraie fraternité, qui est basée sur la foi et la croyance et les actes qui vont avec. Comme encore le Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, que les croyants ne sont juste des frères. Wa qala l'imam Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala fi tafsirih, yani al-jami'u ikhwatun fi ad-din, comme qala Allah Ta'ala ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Hurayra, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhu al-muslim la yazlimu wa la yaslimu. Ibn Kathir a dit par rapport à ce verset que tous sont des frères, les croyants. Comme l'a indiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon Abu Hurayra, soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Le muslim, le frère des muslims. Ni il ne le lèse, ni il ne le livre. Et cette fraternité, a dit ukhuwa, Allah yuhibbuha wa afradaha alayna. Il nous l'a imposé, il l'aime. Kama dalla alayya dal hadith, liyana al-sira jat bi sirat al-amr. Kounu ibadallah. C'est une chose que Allah nous a ordonné, car le hadith est venu de la forme impérative. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. وهذه الأخوة يعني ينتج منها محبة الله. Cet amour fraternel, il engendre l'amour d'Allah pour ceux qui s'y tiennent. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل يعني حديث قدسي حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتجالسين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا. Que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit que Allah SWT a bien dit que mon amour est un droit pour ceux qui s'aiment en moi et pour ceux qui se fréquentent en moi et pour ceux qui se visitent en moi, c'est-à-dire pour Allah SWT. Et cet amour en Allah huwa al-urra الوثقة سلانس plus solide de la foi. كما أخرج الإمام الطبراني عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق وراء الإيمان الموالة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'anse la plus solide de la foi, c'est le fait de s'allier pour Allah et de détester pour Allah, d'aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah. Et وكذلك, ceux qui s'aiment sincèrement pour Allah sont enviés. Adi min al-fadha'il. Sont enviés de qui? Des anbiya et des shuhada, des martyrs. Ils ressentent la sécurité et l'apaisement et réjouissance. كما خرج الإمام أبو العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا لَيْسُ بِأَنْبِيَاءِ يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ قِيلَ مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ قَالْ هُمْ قَوْمٌ تَحَبُّوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلَا انْتِسَابٍ وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وحسنه الواجعي رحمه الله تعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit selon Abu Huraira qu'il y a parmi les serviteurs d'Allah certains qui ne sont pas des prophètes et qui malgré cela seront enviés par les prophètes eux-mêmes et par les shuhada, les martyrs. Et ils dirent, qui sont-ils? Il se peut que nous les aimions. Il dit, ce sont des gens qui s'aiment par la lumière d'Allah sans lien de parenté, c'est-à-dire ils ne sont pas des frères, des cousins ou des oncles, ils n'ont aucun lien de parenté. Ou al-intisab, ils n'ont pas de lien de descendance non plus, ou d'origine. Et leurs visages sont comme de la lumière sur des chairs, yani des manabir, qui eux-mêmes sont de lumière. Ils n'ont pas peur lorsque les gens ont peur, et ne sont pas attristés lorsque les gens sont tristes. Et le hadith a été rendu hasan par l'imam Wadiri. On voit la défendre l'azima, fi mahabbat, al-mahabba fillah. Et là, yani, le kalam, il est pour les musulmans, les mu'minins, ceux qui s'apparentent à l'islam, et qui proclament, croient et suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel regard doit-on porter sur ces différences raciales et ethniques, islamiquement parlant? Car c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, il a décrété. Personne ne l'a choisi. Comme a dit Ta'ala, Ya ayyuhan nas, taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul et même être et a créé de lui-même son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا خلقه بالتقوى وهي عبارته وحده لا شريك له منبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من درع الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها فأنست إليه وقوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي ذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أكثر العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغتهم ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. Donc Ibn Kathir dit quoi? Que Allah dans ce verset ordonne à sa création de le craindre, sa taqwa, c'est-à-dire son adoration seule sans rien lui associer, et il met en évidence sur sa capacité à pouvoir tout faire, c'est-à-dire qu'il les a créés d'un seul être qui est Adam alayhi salam et de qui il a créé sa propre femme qui est Hawa, qu'ils appellent Ève, eux, alias salam, et qu'elle fut créée d'une côte gauche, de derrière, alors qu'il était en train de dormir. Il se réveilla, c'est-à-dire Adam alayhi salam, puis la trouva, elle lui plut, et ils s'attirèrent l'un vers l'autre. Quant à sa part, dans le sens où il dit, et il répandit de eux deux beaucoup d'hommes et de femmes, c'est-à-dire, ou de Hawa et de Adam, leur progéniture. Et ça, sur tout le monde, sur toute la terre. Et cela avec la différence qu'il y a entre leur race, leur ethnie, leurs caractéristiques, leur couleur, leur langue. Et ensuite, c'est vers lui le retour. Vers Allah subhanahu wa ta'ala le retour. Wa akhraj al-imam Abu Daoud fi sunanihi an Abi Musa al-Ash'ari. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit sur Abu Musa al-Ash'ari qu'il est dit que certes Allah a créé Adam d'une poignée de terre qu'il a fait de toute la terre. Donc les fils d'Adam sont venus en mesure de ces terres. Donc parmi eux, il y a le rouge. Parmi eux, il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le noir, et autres. Il y a celui qui est souple, c'est-à-dire de caractère, celui qui est triste, il y a celui qui est bon et celui qui est mauvais. Tout cela est basé par rapport aux différentes formes de terre. de laquelle Adam, Adam a.s. a été créé. Donc voici l'origine de nos couleurs, de nos différences, de nos ethnies. C'est le sol, c'est la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien expliqué. Toute chose. Comme a dit ta'ala, ma farratna fil kitabi min shay, thumma ila rabbihim yuhsharun. Et nous n'avons rien négligé dans le livre, nous n'avons rien omis. Et ensuite, c'est vers leur Seigneur qu'ils se rendront. Tayyib. Donc de là, alhamdoulillah, le muslim sait d'où il vient. Son origine. C'est-à-dire en tant qu'humain. Son existence. D'accord? Et surtout, le but de son existence. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Notre priorité à nous, ce n'est pas de savoir d'où on vient. Bien que c'est important. Et que ça aide. Il y a certains mérites à en tirer. Mais cependant, la priorité est l'aham alayna an na'lam ayna nadhhab wa kayfa nasil ilayhi. C'est de savoir surtout où est-ce qu'on va et comment y parvenir. Hadha wal aham lana. Notre origine n'est en rien une cause de notre guidée ou de notre entrée au Jannah si Allah l'a décrété. Mais Allah nous jugera pour nos actes, notre piété. Donc, yani, quelle forme, quel avantage on tire de se croire meilleur que les autres par notre lignée ou ethnie ou al-dhalika. Comme a dit Allah Ta'ala, Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô vous les hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous entreconnaissiez, que vous vous reconnaissiez. Et le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Quand l'imam Nukathir rahmallahu ta'ala, fa jami'u an-nas fi sharaf bil nisbati at-tinniya ila Adam wa Hawa sawa'u. Wa innama yatafadhaluna bil umur ad-dinniya wa yata'atu Allah wa mutaba'at rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il a dit Ibn Kathir que tous les gens, dans leur lignée par rapport à Adam et à Hawa, au niveau de la terre, ils sont égaux. C'est la même noblesse. Cependant, ils se différencient et sont préférés les uns aux autres, cependant par les choses religieuses, qui sont l'obéissance d'Allah et le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quoi le mizan? At-taqwa. Et cette taqwa n'est pas dans notre race, ni dans notre couleur, ni la lignée, ni le quartier, mais dans la poitrine. Et s'extériorise à travers nos actes. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Hurayra, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, wa la ila aswarikum, wa lakin yanzuru ila kulubikum, wa fi riwaya ila a'malikum, wa ashara bi asba'ihi ila sadrihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit selon Abu Hurayra, que Allah ne regarde pas votre physique, c'est-à-dire vos corps, ni votre apparence, mais cependant il regarde vos cœurs, dans une version, vos actes. Il indiqua avec ses doigts vers sa poitrine. Hatta sahaba, qui eux-mêmes étaient en quête de savoir, interrogé qui était le plus noble des gens. Kama ja'a an Abi Hurayra, عند الشيخين, قيل يا رسول الله من اقرب الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسالك قال فيوسف ابن نبي الله فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألون خيالكم في الجاهلية خيالكم في الإسلام زافقه. Que les gens interrogèrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant qui est le plus noble des gens. Il dit le plus pieux d'entre eux. Il dit ce n'est pas cela que nous interrogeons. Ce n'est pas pour cela que nous interrogeons. Il dit alors c'est Youssouf, mais c'est le prophète d'Allah, fils de prophète d'Allah, fils de prophète d'Allah, fils de Khalilillah, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam. Il dit, ce n'est pas cela que nous voulons. Il dit, comment? Vous interrogez à propos des origines des Arabes. Sachez que le meilleur d'entre eux dans la Jahiliya sera le meilleur d'entre eux dans l'islam s'il comprend la religion. S'il comprend la religion, c'est-à-dire qu'il l'applique bien. Ça, c'est un point de distinction. Wa an Abi Hurayra, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dhukum wa la bi' ba'd, wa kunu 'ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yahqiruhu, at-taqwa ha huna, yushiru ila sadrihi thalath marrat, aw thalath marrat. Wa qala bi hasbi mar'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim, kullu al-muslim 'ala al-muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Muttafaqun alayhi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous jalousez pas. Elle ne fait pas de najh. Najh, c'est une forme de vente. Et ne vous détestez pas. Et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Et ne vendez pas les uns sur les autres. Et soyez, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Le muslim, c'est le frère des musulmans. Et ne le laisse pas. Et ne l'abandonne pas. Et ne le méprise pas. Et la taqwa, elle est ici. En indiquant avec sa main trois fois à la poitrine. Et il suffit à l'homme, comme mal, de mépriser son frère musulman. Avec le mépris. Tout le musulman, sur le musulman est interdit, sacré. Son sang, ses biens, son honneur. Onzoué Adal Hadith al-Azim, connu par tant, à lui tout seul, il résume tous ses points, et bien plus encore. Éviter les causes de division, se tenir sur la fraternité, ne pas nuire à nos frères dans leur personne, leur bien ou leur honneur. Chose à laquelle s'oppose totalement al-Ansariya ou al-Asabiya, le racisme ou al-Zalika. Dont il ne résulte que haine, division, injustice, discrimination, atteinte aux personnes, aux biens et aux honneurs. Le simple fait de mépriser son frère est un mal. Et qu'est-ce que le racisme si c'est du mépris? C'est un mépris total. Donc ceux qui se vantent de leur lignée ou de leur race et se croient plus haut que les autres, cela n'est qu'une cause de rabaissement auprès d'Allah SWT pour eux. Kama kharaj al-Bazzar an Huzayfa, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kullukum banu Adam wa Adam khuliqa min turab. لا ينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهوان على الله من الجعلان والصحح هو الألباني رحمه الله تعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit, vous êtes tous des fils de Adam, et Adam a été créé à partir de terre. Donc que les gens cessent de se vanter par leur père, ou ils seront près d'Allah plus bas encore que des scarabées. Avant le جعلان معنى scarabée, un insecte. Tu es plus vil près d'Allah qu'un insecte. Donc ta lignée ne te sera d'aucune utilité sans acte basé sur la taqwa. Comme a dit un Abi Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man batta'a bihi amaluh, lam yusri'a bihi nasabuh. Rawi Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a bien dit, celui dont les actes n'ont pas suivi, sa lignée ne serviront à rien du tout. La fil jannah, wa la fil ghayri dhalik. Wa madha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Kabilati, qu'est-ce qu'il a dit à sa tribu, qui était la plus noble des tribus des Arabes, Quraysh, ainsi qu'à ses proches? Kamaja an Abi Huraira, radiallahu anhu, qala, kama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hina anzala Allahu azza wa jal, wa anzir ashirataka al-akrabin, qala, ya ma'shar Quraysh, aw kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi shay'a, ya bani abda manaf, la ughni ankum min Allahi shay'a, يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, parce que Allah fait descendre dans le sens et avertit ceux qui sont le plus proche. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô gens de Quraysh. Voyez, yani, dans le sens, rachetez-vous, c'est-à-dire une conduite. Wa'alazalika. Je ne peux rien pour vous contre Allah. Ô fils de Abdelmanaf, je ne peux rien pour vous contre Allah. Ô Abbas, fils de Abdelmuttalib, je ne peux rien pour toi contre Allah. Ô Safiya, tante du messager d'Allah. Je ne peux rien pour toi contre Allah. Et après, il a dit à sa fille, Fatima, qui était sa préférée, au Sayyida, Nisa al-Jannah, il a dit, ô Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux de mes biens. Je ne peux rien pour toi contre Allah. Je ne peux rien pour toi contre Allah. Unzuru ila hada. Wa hadhihi al-asabiyya, ce racisme, hadhihi sunna iblisiyya. C'est une tradition de Iblis, al-la'in, qui fut le premier à agir de la sorte. Ce qui lui a valu quoi? De se faire bannir du Jannah, de se faire maudire, de sortir de la rahmat d'Allah. Il se croyait meilleur que Adam. Pourquoi? Pour sa nature. Comme encore le Ta'ala, « Wa laqad khalaqnakum, thumma sawarnakum, thumma kulna lil malaika, zjudu li Adam, fasajadu illa Iblis, lam yakum min sajidin. » Qala, ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الرسول صلى الله عليه وسلم nous vous avons certes créé, ensuite nous vous avons façonné, nous avons dit aux anges de se prosterner pour Adam. Ils l'ont tous fait hormis Iblis. Iblis n'était pas un ange mais un djinn. Iblis ne s'est pas prosterné. Donc Allah lui dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner alors que je te l'ordonne? Il dit, je suis ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de terre. Allah lui dit, alors descends de là, c'est-à-dire de Jannah. Car il ne te revient pas, ne t'en fais d'orgueil. Sors d'ici, et tu es parmi les avilis, les rabaissés. Wa li'azu billah. Qala l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, fi qawli Allah azza wa jal, ana khayrun minhu, bi mujarradiha, kafiyatun li naqsi iblis al-khabith. فإنه برهان على نقصه وبإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا إلى هنا. وقال ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحطى من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين فقال الله تعالى فاهبط منها أي من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين والطاهرين فلا تليق بأخبث خلق الله وشرهم. وفي قوله فاخرج إنك من الصاغرين أي المهانين الأذلين جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. هكذا قال إمام السعدي en tafsir de ce verset. Il a dit dans le sens je suis meilleur que lui, c'est-à-dire parole d'Iblis. Cette simple parole suffit à démontrer le manque présent chez Iblis, le Khabith, le mauvais. Car cela est une preuve de son manquement. Du simple fait de son amour propre, de son ego et de son orgueil. Et qu'il parle sur Allah de ce qu'il ne sait pas. Après, il dit, toujours par rapport à ce verset, et lorsqu'il s'est produit ce qui s'est produit de Iblis, alors de là, il fut dégradé, on va dire, destitué de son plus haut rang qu'il avait pour revenir vers le plus bas. Car Iblis était parmi les rapprochés. Il était au Jannah avec les anges. Et Allah l'a sorti du Jannah. Farbit minha. Il ne te revient pas de te gonfler d'orgueil au Jannah. Pourquoi? Car le Jannah, c'est la demeure des bons et des purs. Elle ne convient pas à la plus mauvaise des créations d'Allah. Donc il dit, sors de là, tu es parmi les avilis. C'est-à-dire qu'il a été, ça, il a été rétribué par son orgueil, par le rabaissement et l'avilissement. Wala azu billah. Et également, cette asabiyya, hadihi sunna yahudiyya. C'est aussi une tradition prise des juifs. Car parmi leurs caractéristiques, min sifat bani Israël, alors qu'ils étaient le peuple élu et préféré sur l'univers, et comme Iblis, se sont vus avilés pour leur refus de soumission. Pourquoi? Se croyant meilleurs que les autres. Pour la nature. Comme a dit Ta'ala, ya bani Israël, kuru ni'mati allati an'amtu alaykum, wa anni fadhaltukum ala al'alamin. Ô fils d'Israël, Israël c'était Yaqub alayhi salam. Rappelez-vous de mon bienfait, dont je vous ai comblé, et que je vous ai préféré sur tout le monde. Donc ces gens refusèrent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en reconnaissant au fond d'eux son statut de prophète. Mais quelle est la cause? Qu'ils ne soient pas des leurs, mais des Arabes. Donc de là, ils ont rejeté en bloc la vérité. Comme a dit Ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Lorsqu'il leur a été dit, croyez en ce que Allah fait descendre. Ils ont dit, nous allons croire en ce qui a été descendu sur nous. Et ils mécroient en ce qui est en dehors de cela, alors que c'est la vérité qui confirme ce qui est avec eux. Donc Allah Ta'ala, ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Lorsqu'un messager leur est venu d'Allah, confirmant ce qui est avec eux, alors un groupe d'entre eux délaissèrent derrière eux, alors qu'ils ont reçu le livre d'Allah, et ont fait comme s'ils ne savaient pas. أعرضوا وأخرج البزار عن الفلتان قال que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme dans le masjid qui marchait, et il l'a appelé, il a dit à Foulain. Ce foulain lui a répondu comment? La bec, ya Rasulallah. je te réponds au messager d'Allah. Et il ne lui a rien contesté sans, dans la parole, sans lui dire Ya Rasulallah. C'est-à-dire qu'il le reconnaissait. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله قال لا قال أتقرأ التوراة قال نعم والإنجيل قال نعم قال والقرآن قال والذي نفسي بيده لو نشاء لقرأناه ثم ناشده هل تجدني في التوراة والإنجيل قال نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك فكنا نرجو أن تكون فينا فلما خرجت خفنا أن تكون أنته فنظرنا فإذا أنت لسته قال ولما ذاك قال معه من أمتي 70,000 ليس معهم حساب ولا عذاب وإنما معك نفر يسير وحسن الوادي. Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme qui était un homme parmi les bannis d'Israël? Le Prophète lui a dit est-ce que tu témoignes, tu attestes que je suis le message d'Allah? Il a dit non. Il a dit, est-ce que tu lis dans la Torah? Il a dit oui. Est-ce que tu lis dans l'Injil? Il a dit oui. Il dit dans le Coran, il dit, par celui dont mon âme est entre ses mains, si nous voulions, nous aurions lu le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je te demande, est-ce que tu me trouves dans la Torah et dans l'Injil? Il dit, nous trouvons quelqu'un comme toi, qui te ressemble. Et nous espérions que tu serais des nôtres. C'est-à-dire que tu sortirais de notre espèce. Dans notre race. Et lorsque tu es sorti, tu es apparu, nous avons eu peur que ce soit toi. Et nous avons bien regardé, en fait, ce n'est pas toi. Et il dit, pourquoi ce n'est pas moi? Il dit, parce que ce prophète qui doit venir, il a avec lui 70 000 personnes qui n'auront ni contrat à rendre, ni châtiment. Et toi, tu n'as personne avec toi. Juste un petit nombre, comme ça. À la tarkir. Et le hadith a été rendu hassan par l'imam Wadiyai. Donc regardez un peu comment se comportait ce juif, qui a reconnu toute chose, mais à la fin, comme il n'est pas venu de lui, il a rejeté. Et il a même prisé en disant que toi, tu n'as personne avec toi. Et parmi les preuves qui démontrent également ces gens-là, leur alliance et leur désaveu ne sont basés que sur leur clan. Lors de la conversion de Abdullah ibn Salam, qui était dès lors auparavant un savant, l'imam Bukhari rapporta selon Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il interrogeait les juifs à son propos, c'est-à-dire d'Abdullah ibn Salam, قال, pour les tester, pour voir leur réaction. أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله قالوا عاذه الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا فَوَقَعُوا فِيهِ وَلَعَذُ بِاللَّهِ. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ces juifs? Il a dit, Abdullah, quel homme est-il pour vous? Ils ont dit, lui, c'est le plus savant d'entre nous, et c'est le fils du plus savant d'entre nous, et c'est le meilleur d'entre nous, et le fils du meilleur d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et si jamais il venait se convertir à l'islam, il dit, oh, qu'elle en préserve de cela. C'est-à-dire, ça les a répugnés. Rien que l'idée les a répugnés. Donc de là, Abdullah est sorti sur eux, devant eux, il leur a dit. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhad anna Muhammad Rasulullah. Il a fait l'attestation. Et ils ont dit, lui c'est le plus mauvais entre nous, et le fils le plus mauvais, ils se sont mis à la diffamer. Regardez. Avec nous, c'est le meilleur. Chez les autres, c'est le pire. Hadha huwa al-ansariya. Et certains en islam, leur racisme les a menés même à sortir de la religion. Comme par exemple, la secte des qu'on appelle les Black Muslims. Et en vrai, c'est les Black Kuffar, on devrait l'appeler. Il y a une nation de l'islam qui est nation et kuffre. Ces gens-là ont été jusqu'à dire que Allah subhanahu wa ta'ala est noir, wa li'azu billah. À savoir qu'ils ont d'autres égarements qui l'ont raconté du kuffre. Mais rien que celui-là, celui-là est très très, vraiment, vraiment extrême. Il y a également le parti Ba'ath. Parti Ba'ath, qui existe. C'est un parti pro-arabe politique. Qui lui fait passer l'arabité sur toute chose. Qu'un arabe chrétien pour eux est meilleur qu'un blanc musulman. والعياذ بالله وقال العلم الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه التوحيد قال والامتناء للأحزاب الجاهلية القومية العنصرية كفر وردة لأن الإسلام يرفض العصبية والنعرات الجاهلية ثم ذكر أدلة الأمر بالاجتماع على دين الله Donc il a dit quoi, Cheikh Fawzan, dans son livre, le Tawhid, le sien. Il dit, le fait de rentrer dans des partis, c'est-à-dire dans des groupes de jahiliya populaires et racistes, d'accord, et tribaux, fiad al-ma'na, cela est de la mécréance, de l'apostasie. Car l'islam refuse tout cela, toute forme de fanatisme et d'arrogance pris de la jahiliya. Et après, c'est à des adilla comme ceux qu'on a cités auparavant. Donc rentrer rien dans ces partis politiques, pour cela, en sachant ce qu'ils représentent et leurs dogmes, cela te fait sortir de l'islam si tu es un musulman. Et ce point-là, il a mis dans quoi? Dans le chapitre qui est relatif aux paroles qui s'opposent au tawhid. Donc cet esprit de bande, cet esprit de clan, de race, rend dans le même sujet ta main à main. Al-Asabiyya. Wa an Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kutila tahta rayati ammiyya wa yaghdab lil-asaba wa yuqatil lil-asaba fa laysa min ummati. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, celui qui combat sous un étendard de fougue, qui se met en colère pour les siens et qui combat que pour les siens, c'est-à-dire les siens au sens de la race ou de Anirel Din, c'est pas par rapport à la religion ou quoi, alors celui-là ne fait pas partie de la communauté. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et Allah dans le sens, il dit, et accrochez-vous tous au Coran, à la religion d'Allah, tous, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous, alors que vous étiez ennemis, et qu'il a uni entre vos cœurs, et vous êtes devenus par son bienfait des frères, alors que vous étiez au bord des gouffres du feu, et vous en a sauvé. Et c'est comme ça que Allah vous clarifie ces versets, afin que vous soyez guidés. Et là, les Mufassirun, ils ont dit par rapport à ces versets, comme Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'il y avait deux tribus à l'époque, qui étaient Al-Aus wa Al-Khazraj, qui avaient de grandes guerres entre eux, de grands conflits. Et que par la suite, ça c'est dans la Jahiliya, et quand l'Islam est venu, ils se sont convertis, ils sont devenus des frères. Ils se sont alliés, comme Allah ta'ala, wa allafa bayna qulubihim. Donc là, le verset est venu comment? Par la cause qu'un homme parmi les juifs passa auprès de ces gens-là, qui étaient devenus des frères. Et cela le déplut. Cela l'a déplut fortement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un pour leur parler et leur rappeler ce qu'ils avaient comme conflit auparavant, pour allumer la mèche, allumer le feu, comme on dit. Et là, cet homme commence à citer leur conflit antérieur. Entre vous, il y avait ceci, n'oubliez pas cela, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela, à tel point que ils remontèrent, ils se remontèrent les uns contre les autres et voulurent reprendre leur conflit. Ils se mirent à crier, à proclamer leur slogan, à prendre leurs armes, donner rendez-vous pour se combattre. C'est-à-dire ces gens-là, les Aous et les Khazraj. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kharaja alayhim fa samira dhalik. Maza qal? A bida'wa al-jahiliyati wa ana bayna azhurikum. Il dit comment? Cet appel de la jahiliya alors que je suis encore parmi vous. Et il se mit à leur réciter ce verset. Et de là, ils se réconcilièrent aussitôt. Et s'excusèrent et déposèrent leurs armes et regrettèrent leur comportement. Hadha huwa min akhlaq as-sahaba. Les sahaba, même s'ils font une faute, ils arrivent sur le champ. Ils reconnaissent tout de suite. Tout de suite, ils arrêtent. Mais ça, c'est un derche pour nous. Donc, regardez un petit peu. Nous, ya ibadallah, Allah nous a gratifiés en nous sortant des ténèbres de la jahiliya, du kufr, des turpitudes, de tout le mal auquel nous étions quotidiennement confrontés, dans la rue, par la peur, comme les conflits, ou les fausses rivalités et adversités, comme yani, les divisions, les désaccords, et tout ça pour des futilités. Basé sur quoi? L'orgueil, l'arrogance. Combien, cam, ont failli se faire tuer, hein, ou se faire blesser, ou aller en prison, ou les problèmes rencontrés avec les forces de l'ordre, ou avec les opposants de notre quartier, ou les alikas. Tout ça pourquoi? Par asabiya, c'est tout. Par asabiya. Donc comment, après que Allah s'entend nous accorder tout ce bienfait, nous exposons à ce qui nous rabaisse par de telles attitudes? À la asabiya. Akhraj al-imam al-Bukhari an Jabir radiallahu anhu. يقول كان من يعني كان من المهاجرين رجل لعاب فكاسع أنصريا فغضب الأنصري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجر الأنصاري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة Qu'il y avait à l'époque des muhajirin et des ansar, un homme parmi les muhajirin, qui c'était quelqu'un de frivole, un la'ab, il n'était pas sérieux. Il insulta l'un des ansar, et ce ansar se mit en colère pour cette parole, cette offense, durement. Donc chacun appela son clan. L'ansar a dit, à moi les ansar, et le muhajir a dit, à moi les muhajirun, c'est-à-dire l'esprit de parti, par clan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Il a dit, qu'est-ce que cet appel de la jahiliya? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, lui raconter ce qui s'est passé. Et il a dit, délaissez cela, car c'est un appel, dernier, c'est une mauvaise parole. Celle-ci est mauvaise. Cette darwa, elle est mauvaise. Laissez-la. Et pareillement, les sahabas ont arrêté sur le champ. Et ont arrêté sur le champ. Mais nous, voilà, azbillah, je crois que si on nous dit cela, on s'énerve encore plus. Cela est trop présent à cette époque. Chez trop de musulmans, cette asabiyya. Ils se soutiennent mutuellement, les uns les autres, par quoi? Par l'esprit de asabiyya. Les blancs contre les noirs. Les noirs contre les arabes. Des algériens contre des marocains. Un exemple. Des sénégalais contre des maliens. Un exemple. Des kabyles contre des arabes. Des sunniqués contre des bambara. Ou des chuleh contre des arabes. Ou des rifi. Ou des martiniqués contre des guadeloupéens. Ou des corses contre des bretons. Ou même par ville. Un parisien contre un marseillais. Quelqu'un du 9-3 contre le 9-4. Telle cité contre telle cité. Telle rue contre telle rue. Telle famille contre telle famille. Il est réalisé. Même dans le sport, supporter de telle équipe contre supporter de telle équipe. Et ainsi de suite. Sans regarder qui a raison, qui a tort. Tu te crois meilleur pour ta blancheur, pour ta noirceur, pour ton arabité, ou pour une rue qui probablement porte le nom d'un kafir, ou réalisé pour un bâtiment, pour un sol, pour un ballon. Yann, sunna iblissiya ali. Et cela apparaît beaucoup, même, malheureusement, dans les histoires de Zawaj. Comment un prétendant droit, mustaqim, se présente pour une femme qui est consentante et le wali refuse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas délire. Yani, il préfère. Yani, faire passer un fasik, un pervers ou un tel kassalat, un qui ne fait pas salat, de leur clan, plutôt qu'un sunni mustaqim du fait qu'il soit étranger, ou à la ville, ou à la région, au pays, ou à l'igné, ou La ilaha illallah. La vérité, elle est refusée si elle provient du clan adverse. Mais le faux, lui, est secouru s'il vient des nôtres. Asabiya. Sans compter les surnoms et moqueries qui en découlent. Se voir dénigré, rabaissé, diffamé, détesté intérieurement par son frère, pour des raisons raciales et autres. Ya subhanallah. An Abi Dharr. Qal. Kama akhraja l'imam al-Bukhari. Wa l'imam muslim. Qal. Kana bayni wa bayna rajulin kalam. Fakanat ummuhu arjamiya. Faniltu minha. فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قال نعم أو قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية أبو ذر رضي الله عنه il a dit qu'il y avait entre moi et les sahabi c'était Bilal رضي الله عنه des paroles qui se sont échangées il y a eu une confrontation verbale. Et la mère de Bilal était une non-arabe, une arjamiya. Elle était noire. Donc, je l'ai critiqué par rapport à sa mère. Et dans une version, il lui a dit, Yabna Sauda, au fils de la noire. Kamadja fait riwaya. Donc, Bilal en a informé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il appela Abu Dharr. Il lui dit, oui, Abu Dharr, est-ce que tu as insulté un tel? Il a dit oui. Il dit, as-tu diffamé sa mère? Il a dit oui. Il dit, tu es un homme qui a encore en toi de la jahiliya. Il y a en toi de la jahiliya. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait à Abu Dharr? Sans aucun doute, il a fait une tauba sur le champ. Qu'est-ce que c'était un sahabi, un homme sahabi? C'est une zalla qui lui est arrivée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué, lui a appris comment se comporter. Aussitôt. Et donc, il lui a dit quoi? Le terme, c'est Ibn Sauda, fils de la noire. Alors, que dire aujourd'hui de ce qu'on entend? Comme terme injurieux et moqueur, dénigrant. Employé entre musulmans. même avec un kafir, mais des termes employés par des musulmans. Le blanc, c'est Gaouri. Le noir, c'est Kahlouch ou le Kahali. Hein? Ou le, il y en a, ils appellent l'arabe Souraqi. Hein? Ou Souraq Zayt. Et pour l'arabe. Ça, c'est pour l'arabe. Ça, c'est des termes de musulmans. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Oh, vous qui avez cru qu'un peuple se moque pas d'un autre peuple, il se peut qu'il soit meilleur qu'eux, ni des femmes d'autres femmes, il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. Et ne vous dénigrez pas. Et ne vous lancez pas de sobriquet. Et quel mauvais isme que la perversion, après avoir eu la foi. Et celui qui ne se repent pas, alors ceux-là sont les injustes. Donc toi, yani fakir, fakir, yani lahza. Que penses-tu que ton frère, il ressent lorsqu'il entend ces termes qui sortent de ta bouche? Même si, yani ces termes qui sont employés pour des gens qui sont semblables. Ton frère blanc entend ce terme-là. Gaouri. Pour un autre blanc, même si c'est pas un musulman, qu'est-ce qu'il va penser au fond de lui? Ou un frère noir, il t'entend dire, ça c'est un kahlouche. Qu'est-ce qu'il va ressentir en lui? Wa qala ta'ala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna shaytan yanzahu baynahum, inna shaytan kana l'insani aduwan mubina. Et dit à mes serviteurs qui s'expriment de la meilleure façon, car shaytan sème la discorde entre eux. Et shaytan est certes pour l'humain un ennemi déclaré. Ou un Nabi Moussa. قال قلت يا رسول الله أي إسلام أفضل قال من سلم المسلم من لسانه ويده متفق عليه. Que j'ai dit au prophète صلى الله عليه وسلم, Abu Moussa, quel est le meilleur islam? Il a dit celui dont les musulmans sont préservés de sa main, de sa langue. Anzuru. Donc il ne faut pas non plus qu'on s'imagine que ces termes ou ces sentiments sont parmi même pour le kafir. Même avec un kafir, on n'a pas le droit. Allah, il sait qu'on les déteste. Mais pourquoi on les déteste? Pour leur kufr, pour leurs actes, pour leur shirk, pas pour leur race. Un chrétien noir n'est pas plus mécréant qu'un chrétien blanc, ou qu'un rouge, ou qu'un Reine Zalika. La couleur n'a rien à voir. Et surtout quand tu parles devant ces gens-là, toi, tu représentes Ibadallah, les serviteurs d'Allah, ce matin-là. Donc, qu'est-ce qu'il va penser de toi, en entendre ces paroles-là? Le racisme est parmi les choses les plus loin du comportement du musulman. Donc, quelle valeur vont-ils reconnaître de toi? Même, yani, les Occidentaux, eux, ils aiment proclamer, parler, dire, là, nous, on condamne le racisme. Et certains, c'est vrai, sont véridiques parmi eux. Mais la plupart, wallah, wallah, des hypocrites. Et ils ont maquillé tout cela avec de nouveaux termes. Yani, c'est un même fond, mais avec une forme différente. Maintenant, ils disent plus bougnoul pour l'arabe, ou nègre pour le noir, ou je sais pas, bol de riz pour l'asiatique, ou les alika, ou le biko, ou le bamboula, ces termes-là, c'est fini. Maintenant, en général, à part dans la colère. Mais on dit quoi? Genre de couleur. Genre de couleur. Donc, quand toi, tu lis entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire, genre de couleur? Ça veut dire quoi? Une différenciation entre les blancs et les autres. Tu mets les blancs d'un côté, et tous les autres sont de couleur. Vous voyez? Ça, en islam, il n'y a pas. Ahl al-alwan. Ahl al-alwan. Wannas al-mulawwanoun. Ça ne s'existe pas, ça, en islam. En islam, c'est vrai, on a une différence entre le Ajami l'arabi, c'est vrai. Et même que le arabi, on va dire plutôt, djinn c'est l'arabe. La race arabe est élevée. Vraiment en soi, mais c'est une chose qu'Allah a décrétée. Et ça, ce n'est pas du cas par cas, c'est de façon générale. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Et ce n'est pas pour autant que l'arabe se sentira meilleur que les autres. Comme cela va venir dans les hadiths, inshallah ta'ala. Et malheureusement, même des frères en islam sont imprégnés par ces termes, yani jaune couleur. Parce qu'ils sont gênés de dire « un noir ». Quel gêne il y a à dire « un noir » si le frère est noir? Ou « un blanc » si le frère c'est un blanc? Quel mal il y a? Sur les termes corrects et véridiques, dans la sunna c'est venu. « Kanat mar'a sauda » une femme qui était noire. « Wa fulan kana abiyad » il était blanc. « Wa fulan kana jardan » fulan était crépus, les cheveux crépus. « Ma affiché, il fait hada » Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en islam, la blancheur qui est demandée, « Iya bayad al-iman » c'est la blancheur de la foi. Ou la noirceur qui est blâmée, sawat al-mazmoum, c'est celle du kouf, de la mécréance, et celle du cœur, et pas celle de la peau. Kama qala ta'ala, yubtabyadhu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa amma allazina swaddat wujuhum, akafartum ba'd imanikum, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Le jour où les visages seront blanchis et les visages seront noircis. D'accord ? C'est quand Yom al-Qiyamah. Ben, quant à ceux dont les visages seront noircis, leur sera dit, vous avez mécru après la foi, alors goûtez au dur châtiment pour votre mécréance. Quant à ceux dont les visages seront blanchis, ceux-là seront dans la rahma d'Allah, ils seront éternellement, c'est-à-dire au Jannah. Donc là, c'est pas lié à la peau, là, c'est lié aux actes, au tawhid, à la taqwa. C'est là que ça se base. وكما كما خرج الإمام أحمد عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفي اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. Que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, il frappa son épaule droite et en sortit une descendance qui était blanche. Et il frappa son épaule gauche et il en sortit une descendance qui était noire, comme de la cendre. Il a dit aux gens de la droite, vous allez tous au paradis sans que je me soucie. Il a dit à ceux de la gauche, vous allez tous au feu sans que je me soucie. Donc là, les blancs sont les gens du paradis et pas les blancs sur terre ou les blancs de peau. Les gens du paradis, quelle que soit leur couleur, en ce bas monde. Les gens du feu, ce sont eux les noirs. Mais les noirs pourquoi? Pour leur mécréance et leurs actes. Pas pour leur noirceur en ce bas monde. Voilà, azbillah. Et là, bien sûr, un tambi qu'il faut faire, un bayen, c'est que là on parle des idéologies et des comportements, pas des goûts et des couleurs. Eux, ils sont basés sur des sentiments humains, on peut pas nier. Il y a un nid ou peut-être des coutumes qui ne s'opposent pas à la religion. Par exemple, le fait qu'un frère souhaite se marier avec une sœur de telle ou telle couleur, de tel ou tel pays, ça ne veut pas dire qu'il est raciste forcément. Tant que cela n'amène pas à rabaisser ou discriminer ou ressentir du dégoût envers ceux et celles qui n'entrent pas dans ces critères. Là, oui, d'accord. Ou pareil, des frères qui ont plus d'affinité entre eux, avec certains frères de leur pays, par exemple, ou de leur origine, ou de la même ville, vrai les Alikas. Ça n'entre pas dans le racisme ou de la rasabiyya. Tant que quoi, ils s'enjoignent dans la piété et l'obéissance et se conseillent mutuellement. Ça revient aux ententes personnelles. Adaou, c'est pas de la rasabiyya, ça. Donc ne pas tout confondre. D'accord? Et il faut savoir que cette entente, tant qu'elle ne prend pas le dessus également sur les wajibat et diniya, les obligations religieuses et sur le haq. Car il y a des gens également qui, eux, ils ont un extrême opposé. Dès qu'ils voient des frères ensemble d'un même pays, ils disent haoula mutaassibun. Tout de suite. Et c'est pas forcément vrai. Il se peut que ces frères-là s'entendent entre eux, bi dinillah, par rapport à la religion. Et il se peut qu'ils aient des affinités, parce qu'ils se comprennent dans la même langue, ils ont des coutumes qui sont similaires. Rien les abicards, Adam, Mayadou, ma fille, voilà, chef Isaac. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc il faut craindre Allah et rester équitable. Par contre, là on pose la question, pourquoi, lorsque par exemple quelqu'un te dit, un exemple, toi tu es tunisien, tu prends mal, tu dis là, moi je suis marocain, ou je suis algérien, ou je suis tel et tel pays, pourquoi tu me prends mal? Toi, tu fais nafsik, fouille en toi. Hein? Ma wassabab, Isaac. Par contre, il est légiféré de s'apparenter à ses origines et d'aimer son peuple ou sa terre. Hazama fi marzor. Tant que cela n'amène pas à de la rasabiyya, de se croire meilleur que les autres. Et Allah est plus savant de ce qu'il y a dans les cœurs. Et le seul remède contre ce cancer qui a atteint notre umma, c'est l'apprentissage. Talab al-ilm. Ou l'application al-tadbiq. Al-sahih. Ou al-mukhlis, c'est sincère. Min kitabillah. Wa sunnat rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala. Tandikat al-salaf, sur la voie des salafs. Il n'y a pas d'autre éventualité. Sans quoi, les défaillances vont se faire ressentir. Systématiquement ressentir. Sur ce point-là, ou bien l'autre. Wallah, le musulman qui est raciste a une grosse, grosse défaillance et un grand manque dans son dîn. Et ça peut aller bien plus loin que cela. Et là, ça akhtam, je vais conclure, Inch'Allah, en rappelant un hadith, Azim, qui fut parmi peut-être les dernières paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajj al-Wada', lors du Hajj d'adieu. Comme akhraja l'imam Ahmed, ana min adra, qala, haddathani man sami'a khutbat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi wasat ayyam tashriq, fa qala, ya ayyuhan nas, ala, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجم على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر أو أبيض إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال ثم قال أي بلد هذا أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأغرادكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب هكذا قال que Abu Nadra dit le serment du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors des jours de Tashriq, il n'y a pas le Hajj. Il a dit, ô vous les gens, votre Seigneur n'est qu'un, et votre Père, c'est-à-dire Adam, n'est qu'un. Il n'y a aucun mérite pour l'arabe sur le non-arabe. Ni le non-arabe sur l'arabe. Ni le rouge sur le noir. Ni le noir sur le rouge. Une version sur le blanc. Si ce n'est par la taqwa. Est-ce que j'ai retransmis? Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retransmis. Ils ont dit, quel jour sommes-nous? Ils ont dit, le jour haram, jour sacré, interdit. Il dit, quel mois sommes-nous? Ils ont dit le mois sacré. Et Zulhijjah. Ils ont dit, et dans quel pays sommes-nous? Ils ont dit le pays sacré interdit, c'est-à-dire al-haram. Quand Allah a rendu ou a interdit ou a rendu sacré vos sang, vos biens et vos honneurs, tout comme il l'a interdit, tout comme il a sacralisé ce jour, dans ce mois, dans ce pays. Est-ce que j'ai retransmis? Ils ont dit, le message d'Allah a retransmis. Donc il a dit que retransmettre celui qui était présent à l'absent. Min a'zam wa abla al-kalam. Na'am. Allahumma faqinna fi din. Waj'alna mimman tardo af'ala wa aqwala al-batina wa zahira. Allahumma arina al-haqqa haqqa wal batila batil wa nas'aluka al-huda wa tuqa wal ifaf wal ina. Wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.